Vous avez des oreilles? Nous avons des podcasts. Vous écoutez Choyez vos oreilles, un podcast de la médiathèque de Remilly qui vous donnera envie d'en découvrir d'autres. Chaque semaine, nous vous conseillons trois podcasts sur un thème particulier. Et pour ce premier épisode, nous embarquons à bord d'une étrange cabine bleue, plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Car oui, le 16 janvier, il y a deux jours, c'était la journée internationale des Whovians, autrement dit des fans de la série Doctor Who. Une série anglaise qui a commencé en 1963, dans laquelle un extraterrestre humanoïde, un seigneur du temps, protège la Terre. C'est une série que nous aimons beaucoup à la médiathèque et nous allons vous proposer trois podcasts qui vous accompagneront de votre visionnement. Allongez, allongeons ! Le premier s'appelle Dr. Watt. C'est un podcast francophone du label Podcut qui a démarré en 2019. L'équipe, aux manettes d'un TARDIS virtuel, revisite, dans l'ordre, les épisodes de la partie moderne de la série, c'est-à-dire depuis sa reprise en 2005. Entre résumés, analyses et ressentis, les animatrices et animateurs de Dr. Watt crient leur amour de la série, sans oublier de pointer ce qui ne leur plaît pas. Et avec 13 saisons en réserve, autant vous dire que s'il y a beaucoup de bons moments, certains épisodes subissent avec juste une pointe de mauvaise foi leur foudre critique. Si vous ne connaissez pas la série, ce sera un bon compagnon pour vous accompagner dans votre découverte, à condition, évidemment, d'écouter les épisodes du podcast après avoir vu ceux de la série. Et si vous l'avez déjà vu, que ce soit une ou 10 fois, vous replongerez dans vos souvenirs et peut-être que vous aurez envie de vous lancer dans un nouveau marathon. Pour le deuxième podcast, nous allons traverser la Manche, car oui, de temps en temps, nous vous proposerons des podcasts en anglais, en vous précisant si des textes ou des sous-titres sont disponibles. Ce podcast donc s'appelle Doctor Who Audio Dramas et il diffuse des fictions audio inspirées de la série avec des archives remontant à 1982. Entre le flux RSS du podcast et ce qui se trouve sur son site, ce sont plus de 300 épisodes qui vous attendent. Par contre, si les histoires se passent dans l'univers de la série, ne vous attendez pas à retrouver les personnages vus à l'écran. On est plutôt dans l'exploration d'un monde avec des intrigues qui se nourrissent du matériau d'origine tout en s'en détachant. Si vous êtes un habitué de la série télévisée, vous trouverez ici de quoi patienter entre deux saisons. Et si vous n'êtes pas trop familier avec l'anglais, je vous conseille de suivre les épisodes sur la chaîne YouTube du podcast en activant les sous-titres. Enfin, le dernier podcast de cette sélection nous fait voyager lui aussi. Mais à bord d'un TARDIS, traverser l'Atlantique n'est pas un problème. Direction les États-Unis pour écouter le podcast Gallifrey Public Radio. Sur la forme, on se rapproche un peu de Dr. Watt, puisqu'ici aussi on est sur de l'analyse d'épisodes. Mais là où le premier part sur un replay chronologique, Gallifrey Public Radio pioche dans toute la trame temporelle de la série. Épisode classique, épisode moderne et spin-off, on voyage à travers près de 60 ans d'histoire télévisuelle. Et quand une nouvelle saison démarre, le podcast revient à chaud sur chaque épisode dans les jours qui suivent sa diffusion. Le ton y est très chaleureux, chacune et chacun connaît bien son affaire, et c'est un plaisir d'embarquer dans le TARDIS en leur compagnie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces podcasts, parlez-en et recommandez-les autour de vous. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous retrouverez tous ces liens, ainsi que les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'espace Image et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici un indice sonore pour le thème du prochain épisode.